Oh, mes amis, vous le savez sûrement, il y a deux jours dans l'année où je suis particulièrement occupé. C'est la Saint-Valentin et la journée de la femme. Et bien aujourd'hui, fête des amours oblige, j'ai agi de manière à optimiser mon temps de déclaration. J'ai enregistré trois sortes de messages que j'ai envoyés aux pouliches de mon cheptel. Cheptel qui se divise en trois sous-catégories. Il y a les fleurs bleues, que je garde sous le coude, en cas de période de vache maigre. Il y a les chiennasses, qui ont un tempérament de feu et que je vais voir que je suis en forme. Et il y a celles qui se refusent à moi. Alors, le message pour les fleurs bleues, ça donne à peu près ça. En ce 14 février, oh, oui, je vous veux à mes côtés. Des mots doux, j'aimerais vous dire, et votre oreille voir frémir. Je vous sens déjà proche de moi, mon souffle est court. Oh, grand Dieu, mais vous êtes là! Ah non, pardon, c'est un mirage. Votre reflet dans mon potage. J'espère que ce soir nous pourrons au coin du feu par les chiffons. Ah, demain sera un jour merveilleux et côte à côte nous serons heureux. À vous, mes douces Valentines, je laisse ces mots pleins de soupline. Oui, je me sens d'humeur câline. Ce sera pour plus tard, la vaseline. Oui, bon, je sais, c'est un peu cucu. Mais voilà, ça s'adresse à une cible bien particulière, hein, celle qu'il faut pas trop brusquer. C'est mignon. Rassurez-vous, hein, j'ai d'autres messages. Ah, j'ai celui destiné à celles qui sont moins du style à se faire compter fleurettes et plus du genre à se faire éclater le bouquet. Tenez, ça donne à peu près ça. En ce 14 février, oh oui, je vais vous humilier. Des mots salaces, je vais vous dire, et même vos culottes vont frémir. Je vous sens déjà proche de moi, mon short me serre... Oh, grand Dieu, mais vous êtes là! Oh, excusez-moi, j'ai des visions... Et vos odeurs sur mon caleçon. J'espère que ce soir nous pourrons mettre le feu à nos passions. Et sans retenue jusqu'au matin, je vous ferai des entorses au bassin. À vous mes douces Valentines, je laisse ces mots sans soupline. Vous vous sentez d'humeur coquine? Ça tombe bien, je suis d'humeur vaseline. Et puis je vais vous livrer mon dernier message. Oui, s'il te plaît, s'il te plaît. Celui à destination de celle qui se refuse à moi. Celle qui disent non à l'abandon avec Helmut. Oh. Je sais, c'est dingue, mais il faut le savoir, il y en a. Oh, les connasses. Tenez, ça donne à peu près ça. Si en ce 14 février, vous vous refusez de vous donner, j'arrêterai de vous tourmenter, car jamais vous ne me mériterez. Pourtant, si vous saviez ce qui se passe sous mes draps, du tonnerre, des éclairs... Oh, grand Dieu, vous êtes là! Oh, désolé, j'hallucine, mais je vois vos visages à chaque fois que j'urine. Si vous voulez ce soir tout remettre à zéro, au coin du feu, je peux vous faire briller le pot. Demain sera un jour merveilleux. Vous serez bien moins bête, et vous boiterez un peu. À vous, cruelle Valentine, je laisse ces mots pleins de soupline. Si c'est un problème de vertu, il y a un vaccin, elle me perche. Si vous n'avez pas envie de moi, là c'est plus simple, je n'y crois pas. Avec moi, vous ne voulez pas être câline? Allez voir ailleurs! Et sans vaseline. Et voilà, mes amis. Ça se passe comme ça. C'est les messages d'amour ciblés enregistrés par Helmut. Oh, ça me fatigue d'être le meilleur. Bon, je vous laisse. Faut que je me prépare. Demain, c'est la Saint-Claude, la fête de la pipe. Je veux pas louper ça. Au revoir, Zen.